fasse. Si c'est un tort que je ne suis pas calé chez les flics, porte plainte. Je sais que tu me guettes avec ton doigt qui me pointe. Je sais que tu me guettes avec toi, je suis obligé de faire des fêtes. Mais Babylone, Babylone, Babylone, je la fumerai sans crainte. Tu n'es comme nous de la terre et l'on te condamne. Tu vis comme tu traites sur terre et on te condamne. Dans l'eau et la lumière, tu te pavanes. Mais nous, un peu sacré, ouais, on te proclame. Hey, tu n'es comme nous de la terre et l'on te condamne. Tu vis comme tu traites sur terre et on te condamne. Dans l'eau et la lumière, tu te pavanes. Mais nous, un peu sacré, ouais, on te proclame. Hey, où est passé ma ganja? Où est passé ma ganja? Je crois que c'est les flics qui l'ont embarqué. Ouais, ouais, où est passé ma ganja? Où est passé ma ganja? Tous les jours, mes frères font ça, ils viennent contrôler. Je te dis, où est passé ma ganja? Où est passé ma ganja? Je crois que c'est les flics qui l'ont embarqué. Ouais, ouais, où est passé ma ganja? Où est passé ma ganja? Ce soir, c'est à mes frères que je la fais tourner. Hey, je fume la weed pour dépenser plus saine. Tu rues t'en fous de analyser problèmes. Ne stresse pas, Babylone attend que ça. Je t'en supplie, ne leur donne pas cette joie. Non, je fume la weed pour dépenser plus saine. Je tire t'en fous de analyser problèmes. Ne stresse pas, Babylone attend que ça. Je t'en supplie, ne leur donne pas cette joie. Non, car Babylone ne veut pas que je fume ma ganja. Je remarque leur faiblesse et cela, ils n'apprécient pas. Babylone veut punir tous les fumeurs d'indica. Mais ce qui les punira, je suis friand du béton sans bactal. Le tabac c'est caca et je ne fume pas d'India. Menteur, hypocrite et opportuniste. Elle est à l'inhalation de ganja. Smoke ne fait pas partie de la French ganja. Alcool comme médoc, voilà comment on se drogue ici bas. Ma nature à l'odeur en plus c'est Zayanja ganja. Son cœur de nous va fumer la scène c'est milia. Car réel nous éclaire contre les méfaits de Babylonia. Donne-moi de la ganja, donne-moi de la ganja. Mets pas de tabac. Donne-moi de la ganja, donne-moi de la ganja. Ok. Donne-moi de la ganja, donne-moi de la ganja. Mets pas de tabac. Donne-moi de la ganja.